En outre, Jacques reviendrait. Après cette période extraordinaire, il retrouverait, comme tant d'autres soldats trompés, à cause des circonstances exceptionnelles, une épouse triste, docile, dont rien ne décèlerait l'inconduite. Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait son contact aux vacances. Malacheté l'en supplia. Alors que Marthe est partie à Granville, rejoindre son mari convalescent, le narrateur essaie, en vain, de séduire une Suédoise dans l'appartement de Marthe elle-même. Quelques jours après, je reçus une lettre de Marthe. « J'ai une preuve de ta traîtrise, » ajoutait Marthe. Cette alerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre compte de nos actes, alors que j'eusse tant aimé n'en rende jamais compte, à moi pas plus qu'aux autres. Marthe attendait que je me disculpasse. Elle me supplia de lui pardonner ses reproches.